Ursus et Homo étaient liés d'une amitié étroite. Ursus était un homme et Homo était un loup. L'association de cet homme et de ce loup profitait aux foires, aux fêtes de paroisse, aux coins de rue où les passants s'attroupent, et au besoin qu'éprouve partout le peuple d'écouter des sornettes. Ce loup, docile et gracieusement subalterne, était agréable à la foule. Voir des apprivoisements est une chose qui plaît. Notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication. C'est ce qui fait qu'il y a tant de gens sur le passage des cortèges royaux. Ursus et Homo allaient de carrefour en carrefour, de place publique en place publique, de pays en pays, de comté en comté, de ville en ville. Un marché épuisé, il passait à l'autre. Ursus habitait une côte roulante qu'Homo, suffisamment civilisé, traînait le jour et gardait la nuit. Dans les routes difficiles, dans les montées, quand il y avait trop d'ornières et trop de boue, l'homme se bloquait la bricole au cou et tirait fraternellement, côte à côte avec le loup. Ils avaient ainsi vieilli ensemble. Ils campaient à l'aventure, dans une friche, dans une clairière, dans la patte d'oie de l'entrecroisement de route, à l'entrée des hameaux, aux portes des bourgs, dans les halles, dans les mailles publiques, sur la lisière des parcs, sur les parvis d'église. Quand la carriole s'arrêtait dans quelques champs de foire, quand les commères accouraient, béantes, quand les curieux faisaient cercle, Ursus pérorait, Homo approuvait. Homo, une sébile dans la gueule, faisait poliment la quête, dans l'assistance. Ils gagnaient leur vie. Le loup était lettré, l'homme aussi. Le loup avait été dressé par l'homme, ou s'était dressé tout seul, à diverses gentillesses de loup qui contribuaient à la recette. Surtout, ne dégénère pas un homme, lui disait son ami. Le loup ne mordait jamais, l'homme quelquefois. Du moins, mordre était la prétention d'Ursus. Ursus était un misanthrope, et pour souligner sa misanthropie, il s'était fait bateleur, pour vivre aussi, car l'estomac impose ses conditions. De plus, ce bateleur misanthrope, soit pour se compliquer, soit pour se compléter, était médecin. Médecin, c'est peu. Ursus était ventriloque. On le voyait parler sans que sa bouche remuât. Il copiait, à s'y méprendre, l'accent et la prononciation du premier venu. Il émettait les voix, à croire entendre les personnes. À lui tout seul, il faisait le murmure d'une foule et reproduisait toutes sortes de cris d'oiseaux, tous voyageurs comme lui. De façon que par instant, il faisait entendre à son gré ou une place publique couverte de rumeurs humaines ou une prairie pleine de voix bestiales. Du reste, ces talents-là, quoi gras, existent. Ursus médecin guérissait, parce que, ou quoique, il pratiquait des aromates. Il était versé dans les simples. Il tirait parti de la profonde puissance qui est dans un tas de plantes dédaignées. Il avait des recettes. Il guérissait les brûlures avec de la laine de salamandre. Ursus possédait une cornue et un matra. Il faisait de la transmutation. Il vendait des panacées. On comptait de lui qu'il avait été jadis un peu enfermé à Bethléem. On lui avait fait l'honneur de le prendre pour un insensé, mais on l'avait relâché, s'apercevant qu'il n'était qu'un poète. Cette histoire n'était probablement pas vraie. Nous avons toutes ces légendes que nous subissons. La réalité est qu'Ursus était savantas, homme de goût et vieux poète latin. Ursus, au besoin, fabriquait des comédies qu'il jouait à peu près. Cela aide à vendre les drogues. Ursus était remarquable dans le soliloque. D'une complexion farouche et bavarde, ayant le désir de ne voir personne et le besoin de parler à quelqu'un, il se tirait d'affaire en se parlant à lui-même. Quiconque a vécu solitaire sait à quel point le monologue est dans la nature. La parole intérieure démange. Haranguer l'espace est un exutoire. Parler tout haut et tout seul, cela fait l'effet d'un dialogue avec le Dieu qu'on a en soi. Il avait cette faculté hermaphrodite d'être son propre auditoire. Il s'interrogeait et se répondait. Il se glorifiait et s'insultait. On l'entendait de la rue, monologuer dans sa cahute. Les passants, qui ont leur manière à eux d'apprécier les gens d'esprit, disaient « C'est un idiot ».